Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Luc Desormeaux au micro et pour m'accompagner cette semaine, mon ami, collègue et parfois souffre-douleur, Marc Bouchard. Salut Marc. Pourquoi cette semaine? Ben non, mais t'es toujours mon souffre-douleur, mais cette semaine je cherchais quelque chose à rajouter comme qualificatif puis non, c'est pas ça, ça a tombé là-dessus. Tu dis et pour m'accompagner cette semaine. Moi toutes les semaines. Moi toutes les semaines. Non, c'est correct, c'est correct. C'est vrai. C'est vrai que tu m'accompagnes tout le temps. C'est correct. Ouais, c'est correct. Donc, Marc, salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Je suis en reconstruction de studio d'enregistrement ces temps-ci, fait que mes choses changent de bord, fait que je me cherche un peu de temps en temps, mais là, c'est pas pire, ça devrait être bon pour l'émission, ça devrait sonner bien et ça devrait s'en aller dans le bon sens. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ouais, Marc, c'est le fun. Moi, j'ai une de mes sœurs qui, presque une fois par semaine au gros minimum, mais combien de jours qu'il reste avant Noël? Et ça me rappelle que je vais devoir bientôt prendre un rendez-vous pour faire mettre mes pneus d'hiver sur ma voiture. Tu veux nous parler justement de ces 10 pneus d'hiver? Oui, je vais parler des pneus d'hiver parce que ce n'est pas un caprice. Je le sais, plusieurs personnes disent « on dépense de l'argent pour rien, blablabla ». Vous ne dépensez pas pour rien. Je le sais, je le répète chaque fois. Je sais, vous êtes probablement déjà convaincus, mais j'aime quand même mieux vous le rappeler juste au cas. Rappelez-vous, pour chaque pneu, la surface de contact avec le sol est grande comme votre téléphone cellulaire. Ouais. Vous roulez 100 km/h, des fois 120, on va se dire les vraies affaires. Ou plus, dépendant de comment est-ce qu'on se sent et quelle musique qui joue. Mais là, j'espère que vous n'allez pas plus vite que ça, surtout en hiver, mais quand même. Mm-hmm. Vous roulez 100 km/h sur 4 fois cette surface-là. Si vous n'êtes pas capable d'investir une couple de 100$ pour votre sécurité, pensez-y sérieusement à prendre l'autobus parce que, honnêtement, c'est dangereux. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les gens avec qui vous êtes et c'est dangereux pour les gens qui vous suivent. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir des belles jantes et avoir les vitres teintées, puis des choses comme ça, puis des options, puis ça, mais les pneus, c'est comme, t'as moins les moins chers. T'sais. C'est ça. Non, non. L'autre affaire qui me dérange, mm-hmm. c'est on va garder nos pneus le plus longtemps possible, même s'ils sont usés, c'est pas grave, je suis un bon conducteur. Ouais. C'est pas grave, même si j'ai pas tout à fait la bonne grandeur, ça va faire pareil. Non, ça fait pas pareil. Ouais, ouais. Dites-vous que votre voiture a été conçue pour avoir des pneus d'une certaine grandeur. Pourquoi? C'est pas juste une question de beauté, là. C'est aussi parce que vos suspensions sont organisées en conséquence et tous les capteurs à l'intérieur sont organisés en conséquence. Si vous modifiez l'orientation de ça, vous modifiez la réponse de votre véhicule, et là, évidemment, ça devient solidement compliqué et vous vous exposez vraiment à des conditions où vous êtes vous-même responsable de votre malheur. Oui, hein? Mais ça joue même sur la vitesse du... Tu sais, le compteur de vitesse va changer un peu selon la grandeur des pneus aussi. Il est calibré pour, mettons, avoir du 16 pouces. Si vous mettez du 17 ou du 15, ben votre compteur de vitesse n'est pas nécessairement hyper précis rendu là. Vous êtes un peu plus vite, un peu plus lent. Ça change ça aussi. Là. C'est que les gens ne s'aperçoivent pas nécessairement. Effectivement, et ça fait partie des problèmes qu'on a. Donc, on devrait pas avoir à vous le répéter, mais on va le faire pareil parce qu'on pense qu'il y en a qui sont sourds d'une oreille puis qui n'entendent pas de l'autre. Mm-hmm. Les pneus d'hiver, c'est pas un luxe, c'est un instrument de sécurité. Mm-hmm. Pour un pneu d'hiver, assurez-vous, on le répète à toutes les fois, qu'il y a le petit logo sur le côté avec la montagne et le flocon. Au Québec, ce sont les seuls pneus qui sont autorisés comme pneus d'hiver. Non, ça n'existe pas des pneus quatre saisons. C'est pas vrai que des pneus qui vont marcher l'été vont fonctionner l'hiver parce que les différences de température sont trop importantes et c'est surtout au niveau de la composition de la gomme. Ouais, ouais. Tu sais, la gomme en question, elle réagit à différentes températures. Quand est-ce qu'on change aux pneus d'hiver? Quand la moyenne de température est inférieure à 7 degrés Celsius. Ouais, c'est pas encore le cas, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, puis si vous voulez commander les bonnes grandeurs de pneus puis la bonne sorte de pneus, vous devriez sérieusement y penser maintenant, parce que c'est évident que tout le monde se garoche pour avoir les pneus. Non, il est peut-être même trop tard. C'est ça. Mais bon, ouais. Pensez-y, c'est le temps. Il y en a beaucoup qui ont reporté cette année à cause de la chaude température. Ça va peut-être vous laisser une chance. Ouais. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on achète comme pneus d'hiver? D'abord, achetez des pneus qui sont adaptés à votre style de conduite et à votre style de véhicule. Ouais. Il y a des pneus pour les SUV, il y a des pneus pour les voitures, il y a des pneus pour les gros camions. Pensez-y, allez voir un expert, il va vous dire exactement quel genre de pneus vous devriez utiliser et écoutez-le. jouez pas aux fins finaux puis à l'apprenti sorcier, là. Vous n'avez pas les moyens de jouer avec votre sécurité comme ça. Non, c'est ça. Ça, c'est le premier volet. Deuxièmement, une fois ça fait, vous allez voir des pneus. Oui, il y en a qui sont chers. Oui, il y en a qui ont peut-être un peu trop cher. Il y en a qui ont bonne réputation. Je pense au Nokian, la Capelita 9, qui sort cette année. C'est une nouveauté. Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore. Je suis supposé l'essayer au cours des prochaines semaines. J'ai bien hâte de voir. Si c'est le cas, c'était un des pneus les plus performants dans toutes les conditions. Un peu bruyant, à ce qu'on me dit, le 9, mais on dit que c'est encore un des meilleurs sur toutes les surfaces. Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Okay. Je vais le faire bientôt. Okay. Il y a quand même des pneus qu'on a essayés. Il y a des pneus, tu sais, ça dépend aussi du budget que vous avez là. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 800$ du pneu si vous faites 3000 km dans l'hiver. Non, c'est sûr. T'sais, il y a des pneus de différentes catégories. Je pense à Michelin, par exemple, qui a le XS XI3, mais il y a aussi le Latitude XI2 qui fait un très bon travail que moi, j'avais mis sur la voiture de mon fils et qui était amplement suffisant pour les besoins. Son défaut, c'est qu'il s'usait un peu rapidement. Ouais. Mais au-delà de ça, il faisait très, très, très, très bien le travail. Et honnêtement, j'ai eu l'occasion de l'essayer et ça fonctionnait très bien. C'est sûr que, qu'est-ce que vous devez regarder? Vous devez regarder le dessin de la semelle pour être sûr que l'eau et la neige, la slotch va s'écouler facilement. Vous devez regarder aussi s'il y a des petites lamelles. Les petites lamelles à l'intérieur, là, ça sert simplement à vous donner plus d'adhérence sur la glace. Okay. Donc, plus il y en a, plus ça va vous maintenir en place. Et ça, je pense que c'est super intéressant. Mm-hmm. Et ça dépend ce que vous avez ensuite comme type de véhicule. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer, entre autres pour les VUS, le BF Goodrich, le Winter TA KSI. Je déteste les noms de pneus en passant là. Oui, hein, c'est comme trop à un moment donné. Là. Écoute, on ne se retrouve plus là. On est complètement mêlés. On ne sait plus où on s'en va. Mais bref, le BF Goodrich Winter TA KSI qui s'adresse essentiellement aux petits, ce qu'on appelle les multisegments urbains, là, les CUV en anglais. Un pneu qui, l'année passée, que j'avais testé dans la région d'Ottawa sur la glace, sur la neige, et qui avait fait le travail de façon très efficace, parce que c'était amplement suffisant, et c'est pas un pneu qui est trop dispendieux non plus. Donc, ça a aussi un certain intérêt, bien entendu. Okay. Dans les classiques, il y a toujours le fameux Blizzak de Bridgestone, qui est encore et toujours un de ceux qui répond le mieux aux normes. Il y a des pneus aussi comme des Toyo, le GSI 5, qui est un pneu qui est encore une fois efficace, mais un peu plus dispendieux en termes. Bref, vous avez une gamme assez complète de pneus. Ça, ce que je vous ai nommé là, c'est pas des pneus haut de gamme, là. C'est des pneus qu'on appelle de moyenne gamme. Okay. À partir de ça, vous avez des pneus donc qui valent entre 150 et 200$ du pneu, peut-être moins même dans certains cas si vous profitez des différents rabais, parce que ça, c'est l'autre élément. Actuellement, c'est la saison des rabais. Achetez 3 pneus, obtenez-en 4, là. C'est le temps de vous en servir. Et c'est le temps de le faire, donc ne négligez pas cet élément-là. Consultez des experts, c'est encore la meilleure méthode. Et si vous avez des trucs, si vous avez des pneus que vous aimez particulièrement, bien faites-nous en part sur notre page Facebook. Je suis très curieux d'avoir vos commentaires. Vous comprendrez que nous, on essaie des pneus, mais soit on les essaie dans une très courte période, comme ça a été le cas du BF Goodrich que j'ai essayé pendant 2 heures, mm-hmm. ou soit on les essaie sur une plus longue période, ce que j'ai essayé avec les Michelin Latitude, avec la voiture de mon fils. Mais à ce moment-là, ça me limite dans les essais des autres types de pneus, évidemment. Donc, on est malheureusement limité un peu dans les essais qu'on peut faire. Mais allez-y, ça vaut la peine. Magasinez, consultez des experts, consultez des sites spécialisés. Je vous le dis, moi, je ne parlerai jamais assez des pneus d'hiver pour dire leur importance et comment c'est fait. Il faut aussi regarder, bon, après ça, une fois ça fait, là, vous avez à choisir vous-même pour votre type de conduite. Qu'est-ce que vous préférez? Aimez-vous mieux un pneu qui va être meilleur sur la glace, meilleur sur la neige? La plupart offrent des bons compromis, mais chacun a ses particularités. Alors, ce sera à vous de déterminer, dans ce cas-là, lequel est le meilleur. OK. Marc, dans quel cas j'ai besoin de pneus à clous? Écoute, les pneus à clous, jamais en zone urbaine. Ouais, jamais. C'est souvent interdit dans les stationnements intérieurs, donc faites attention si vous stationnez à l'intérieur à Montréal, les pneus à clous, c'est non, vous allez stationner dehors. Exactement, et de toute façon, vous ne devriez même pas rouler à Montréal avec des pneus à clous. Les pneus à clous sont bons dans des conditions vraiment particulières où vous êtes sur une surface fortement glacée. Souvent, là, dans les rangs de campagne, sur les autoroutes en région un peu éloignée, on ne passera pas autant de sel, on va plutôt utiliser du sable. Les pneus à clous, à ce moment-là, sont une excellente option parce que vous vous retrouvez dans des zones. Mais attention, si vous êtes dans des zones où il y a beaucoup, beaucoup de neige, d'accumulation de neige, les pneus à clous ne vous offriront pas nécessairement une meilleure adhérence. Ouais, c'est même C'est sur la plus au niveau, glace. c'est ça, c'est plus au niveau de la glace que vraiment ça va être intéressant. Et je peux vous dire que j'ai essayé des pneus à clous dans différents éléments, y compris en essayant d'aller faire l'épais sur un lac glacé. On était allé avec Pirelli en Suède essayer des pneus. D'ailleurs, pneus qui avaient été assez efficaces, là, les FR0 qui s'appelaient. Et on avait des pneus sans clous et des pneus à clous. On avait testé sur la glace le slalom. Écoute, je suis pourri en slalom. Mais avec des pneus pas de clous, j'ai été parfait. Je n'ai laissé aucun cône vivant. Je les ai tous frappés. Bon, hey, c'était-tu le but de l'exercice ou c'était le contraire? Non, le but, c'était d'essayer de les éviter. Alors, avec les pneus à clous, j'ai été capable de le faire. Mais on était vraiment sur une surface totalement glacée, là. Il fallait porter des lunettes de soleil parce que les reflets étaient trop forts sur la glace. Et avec les pneus à clous, j'ai été capable de me contrôler. J'étais incapable de le faire avec des pneus sans clous. En revanche, quand on est arrivé sur la même surface, mais enneigé, ça a été exactement le contraire. OK. Puis dernière question pour toi. J'ai vu justement ce matin, ça tombe drôle, j'ai vu une publicité pour des pneus Nexon qu'on retrouve souvent sur des voitures neuves. Je pense Kia ont ça sur leurs voitures neuves. Est-ce que c'est une marque que tu connais? Est-ce que c'est une marque que tu conseilles? Ou parce que des fois, on voit une publicité à la télévision, puis on est comme un peu tenter d'aller essayer la marque ou des fois on est facile à convaincre. Est-ce que c'est une marque que tu connais, une marque que tu conseilles ou pas? Écoute, Nexon, c'est une marque coréenne. C'est une marque qui date de plusieurs décennies, okay. À peu près 75 ans de mémoire. Ils ont des pneus qui ont introduit certaines technologies. On pense entre autres au silice dans la semelle qui permet d'avoir une meilleure répartition de la chaleur et tout ça. Okay. Cependant, ça demeure des pneus d'entrée de gamme. Okay. Ça demeure donc des pneus qui vont être moins chers. En général, on parle d'une centaine de dollars du pneu, mais c'est des pneus dont la résistance n'est pas évidente et c'est des pneus qui, dans les conditions les plus extrêmes, vont moins bien faire le travail. Alors, c'est pas le genre de pneu que vous utilisez et c'est surtout pas le genre de pneu que vous utilisez si vous avez une voiture de performance. Okay. Et quand je parle de voiture de performance, là, je parle pas nécessairement d'auto de 500 chevaux, là, mais tu sais, quelqu'un qui aurait une BMW ou quelque chose comme ça, vous allez pas vers des pneus de cette nature-là. Ce sont vraiment des pneus d'entrée de gamme, conforme à la loi, parce que ça, c'est l'autre élément, hein. Je sais, je pense que j'en ai déjà parlé l'an passé, mais je vais quand même le rappeler. Qu'est-ce qui fait qu'on appose le petit logo ou pas sur le pneu? C'est qu'on utilise un pneu 4 saisons qui sert d'étalon. Okay. On détermine donc la distance de freinage et on teste les pneus d'hiver à comparer de ça. Et s'ils réalisent 120% de la performance, donc ils font 20% de mieux en fait que les pneus 4 saisons, ils sont autorisés à porter le logo. Ah, OK. Mais ça ne veut rien dire. On s'entend, faire 20% de mieux qu'un pneu 4 saisons, ce n'est pas nécessairement difficile. Un bon pneu va faire 180 ou 190% de mieux qu'un pneu 4 saisons. Okay. Alors, à 120%, c'est légal, mais c'est limite. Je ne dis pas que Nexon, c'est ça. Là. Nexon, je ne les ai pas testés. Mais ce que je sais, c'est que ce sont des pneus qui sont généralement des pneus d'entrée de gamme, un peu moins dispendieux. Intéressant pour ce point de vue-là, mais pas nécessairement pour un usage extrême. Fait que peut-être bon pour comme pneu d'été, vu que c'est moins critique. Pneu d'hiver, peut-être aller vers une marque un peu plus connue, un peu plus... Ouais, ou si tu fais de la ville, tu sais, moi je reste dans une petite ville, il y a plein de monde qui a une auto pour aller travailler puis revenir, qui font 9 km par jour. Ouais, OK. Ben, ça vaut la peine à ce moment-là d'acheter ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait de la grande route, qui roulait abondamment, ben là, peut-être que ça vaut la peine d'investir un peu plus. C'est un bon investissement. Parfait. Bon, ben c'est beau, Marc, merci beaucoup. Donc, nous, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec les essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure des essais de la semaine, plus un essai, parce que moi, j'ai ramassé ma voiture de la semaine hier, et puis j'ai pas vraiment eu le temps encore d'essayer de la conduire, puis pour avoir des bonnes impressions. Je vais en parler un peu rapidement, mais toi, t'as quelque chose que t'as roulé un petit peu plus longtemps, la C63S AMG. Ouais. Ouais, t'sais, c'est quoi ça? Je suis pas chanceux. Non? OK. Non. C'est... comment je pourrais dire? Tu sais, des gens pas chanceux. Moi, je devais essayer une Mercedes-Benz GLE 43. Quand je suis arrivé, malheureusement, le pare-brise était cassé. Alors, ils m'ont prêté une C63 S AMG. Je te plains. Écoute, j'ai pleuré, là. Non, j'ai vraiment pleuré. C'est pas vrai, j'ai pas pleuré pantoute. Je suis vraiment content d'avoir conduit ce véhicule-là. C'était pas la première fois que je le conduisais. J'avais eu l'occasion de le tester avant. C'est assez spectaculaire. Ouais, j'imagine. C'est. Normalement, quand c'est marqué AMG dessus, ça a un petit plus. Oui, puis dans ce cas-là, c'est la S. Qu'est-ce que c'est la S? Ben, c'est. T'as, tu sais, bon, la C, là, t'as les C300, C400, OK, ça va. T'as la C43 qui est une demi-AMG. Tu as la C63 qui est une AMG. AMG, pourquoi? Parce que c'est des moteurs qui sont construits à la main. Et tu as la C63S. S, d'après moi, c'est pour C au pluriel. Tu sais? C'est comme si tu en avais plusieurs. OK. Alors, pour te donner une idée, moteur V8, 4 litres, biturbo, 503 chevaux, 516 livres-pieds de couple. Ça doit déménager tout ça en propulsion, j'imagine. Oui, OK. évidemment, là, mais c'est une voiture qui est absolument spectaculaire. Vraiment spectaculaire. Elle n'est pas très légère, elle est pas très pesante. Elle pèse un peu moins de 4000 livres, 3800 livres, pour être précis. C'est une auto qui fait le 0-100 en à peu près 4 secondes. OK, ça commence à être potable. Ouais, c'est assez raisonnable, mais honnêtement, c'est pas ça qui m'a impressionné le plus. OK. Et ce que je vais te dire là, c'est totalement niaiseux, là. Ce Bon, que j'ai aimé c'est pas le comme si j'étais pas plus. habitué, mais ouais, vas-y. Moi, ce que j'ai un problème avec mes écouteurs, hein. Des fois, là, dans mes écouteurs, ils sortent des affaires. J'ai l'impression que tu dis des niaiseries, mais je te connais, je sais que ça se peut pas. C'est impossible. Alors, sérieusement, ce qui m'a impressionné le plus, c'est la sonorité du moteur. Ouais, les V8, c'est un peu ça, un V8, hein, c'est... Oui, mais un Ouais. V8 AMG, Ouais. c'est, tu sais, le S, c'est aussi pour le son au pluriel, je te dirais. OK. Tu as même un bouton avec l'échappement sport que tu peux avoir. Écoute, c'est incroyable. J'adore ce son-là. Honnêtement, dans la ville où je demeure, il y a un endroit où ils ont construit une espèce de pas un tunnel, là, mais un endroit où il y a deux murets de ciment de chaque côté sur à peu près 300 mètres. Et je passais mon temps à aller passer là, juste pour écouter la sonorité du moteur qui faisait de l'écho là-dedans. C'est absolument spectaculaire, ça te donne un petit frisson. Évidemment, tu auras compris que ce n'est pas nécessairement la raison d'être de cette voiture-là. Ouais. C'est une auto qui est autrement plus spectaculaire à conduire. Ça se déplace, tu t'en doutes. Mais c'est assez maniable. J'avoue peut-être un peu une certaine lourdeur. Mais ça vient de mon essai. L'année passée, tu te rappelles, je suis allé avec Michelin en Californie essayer différents pneus de performance. Il y avait différentes voitures assez intéressantes sur C'est la ça. piste aussi, ouais. Dont la C63 que j'ai conduite sur la route en avant d'une Audi R8 et d'une Ferrari. J'avais eu l'occasion de la pousser donc dans des conditions extrêmement sécuritaires. Et je t'avoue que j'ai trouvé que la voiture était un peu lourde. Mais évidemment, c'est une question de sensation, tout simplement, et c'est une question de façon de conduire. Parce que sur la route ordinaire, sans qu'on essaie de la pousser dans ses maximums, c'est une auto qui est absolument spectaculaire. L'accélération est intéressante. Elle est linéaire, puissante, mais linéaire. Elle est vraiment aussi conçue pour être. La voiture est à la fois confort et performance. Les sièges t'apportent un support incroyable. C'est des sièges, bien sûr, hyper sport qu'on peut adapter comme on veut. C'est des sièges qui sont aussi. Écoute, la qualité de finition intérieure est bien au-delà de ce à quoi on peut s'attendre d'une voiture comme celle-là. Bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment une voiture qui est spectaculaire dans tout ce que ça peut vouloir impliquer. Comme définition. C'est aussi spectaculaire en termes de prix, on s'entend, parce C'est qu'on ça, parle de j'allais te 4. demander, ouais, le prix doit être aussi spectaculaire. Ouais, c'est ça. On parle quand même de 85 000 de base, Ouais. OK. ce qui n'est pas vilain tout à fait. pas dans mon budget non plus, je te signale. Non, ni dans le mien. Mais c'est une auto qui le vaut bien, honnêtement. Bien sûr, toute l'auto a été conçue pour avoir vraiment cette notion de performance. On a un châssis qui est extrêmement rigide, une boîte automatique 7 vitesses qu'on peut changer au volant qui est d'une grande rapidité, qui te permet vraiment de faire des affaires incroyables. Tu peux bien entendu utiliser, tu as un mode sport aussi, donc là, évidemment, tu auras compris que ça se déménage encore plus. Et à ma grande surprise, et ça, honnêtement, c'est vraiment une surprise, c'est une auto qui pardonne. C'est-à-dire que, bien sûr, elle a toutes sortes de systèmes électroniques embarqués. Là, tu connais Mercedes et leur façon de faire les choses. Mais elle pardonne aussi avec beaucoup de... Tu sais, les suspensions, là, c'est pas comme si tu roulais sur une planche de bois, là. Tu sais, t'as pas l'impression que tu ressens le moindre cheveu sur la chaussée quand tu passes dessus. OK, on a quand même un certain confort, là. Exactement. Donc, c'est une auto qui est quand même capable de réagir efficacement pour être une auto de tous les jours. Écoute, pour moi, c'est trop. Je vais être franc avec toi, là. C'est beaucoup trop de puissance par rapport à la nécessité. Mais c'est une auto, comme je te dis, dont la conduite est impeccable, dont la rigidité du châssis est impeccable. Donc, tu sais, le problème, c'est que tu te sens presque obligé de la pousser quand tu as une voiture comme celle-là. Et Dieu sait qu'il faut pas, parce que si tu la pousses, tu te rends compte que ses limites arrivent bien plus loin que les tiennes. Ouais, c'est ça. Et bien plus loin que le prochain billet d'infraction. Sûrement. Aussi, tu sais. Mais alors évidemment, ça devient donc une voiture qui est une voiture d'exception, qui est une voiture tout à fait au-delà de tout ce à quoi on peut s'attendre. Honnêtement, j'ai pas trouvé de gros défauts à cette voiture-là. Bien sûr, tu sais, à part le prix, Ouais. C'est ça. Ça reste on que va des se dire. voitures pour tous les budgets. C'est pas nécessairement, t'sais, le prix n'est pas nécessairement un handicap pour cette voiture-là. T'sais. Je veux dire, oui, c'est cher, là, mais ça reste Oui, mais qu'on pour s'attend à quelqu'un. ça d'une Mercedes. T'sais. C'est ça. Et d'une AMG, en fait, là. C'est sûr que, bon. C'est certain aussi que la voiture elle-même, elle a un look incroyable. Un look que moi, j'aime beaucoup. Parce que j'aime la classe C. Je pense que dans sa catégorie, c'est l'une des meilleures voitures sur le marché actuellement. C'est une auto qui est vraiment raffinée. Tout est là. Bien sûr, tu sais, comme je te dis, la C63S, c'est tout est là, là. Tu sais, des freins en carbone, optionnels, mais tu peux quand même les affaires. Tu as un mode course que tu peux régler pour vraiment être le plus efficace possible. Être le plus vite jusqu'au prochain stop. Exactement. Évidemment, tu as un freinage de fou. Tu sais, tout est comme. C'est pour ça que j'utilisais tantôt l'expression au pluriel. Tout est comme au pluriel sur cette voiture-là. C'est comme si on avait pris chacun des éléments et qu'on l'avait poussé aussi loin qu'on pouvait le faire avec une voiture de cette taille-là. OK. L'avantage, c'est que par rapport à des concurrents similaires, qu'on pense à la M3 par exemple, ou même la M5, on est un peu dans la même gamme de prix, on est un peu dans la même gamme de véhicules, mais on est aussi dans un véhicule qui, à mon sens, est plus confortable et moins extrême dans sa conduite que la BMW ne peut l'être. Un peu plus que les versions RS. De Audi, c'est-à-dire que c'est plus extrême que la Audi en termes de sensation, là. Je répète en termes de sensation, pas en termes de performance, mais c'est plus confortable que la BMW. C'est donc une espèce d'heureux compromis entre les deux. Et honnêtement, pour moi, c'est une belle, belle, belle réussite. Sauf que, ben écoute, évidemment, on s'entend pour dire qu'on n'est pas dans un véhicule disons, où l'économie est particulièrement. Une donnée, là. On parlait de prix d'achat tantôt. Tu sais, c'est sûr que la consommation moyenne, si tu insistes un petit peu, ça va ressembler davantage à 11-12 litres au 100 si tu la pousses un peu. Donc, évidemment, c'est pas nécessairement une voiture totalement écologique. Mais toi, tu es allé plus dans l'écologie, par exemple. Tu vas plus cette semaine dans l'écologie, par exemple. Oui, exactement. Je suis au volant de la Volkswagen e-Golf, dont la Golf électrique qu'on attend au Canada depuis quoi, 2 ans à peu près. Elle était vendue aux États-Unis. Volkswagen Canada ne voulait pas nécessairement l'apporter ici. Attendait de voir qu'est-ce que ça avait l'air, qu'est-ce que ça aurait l'air aux États-Unis, les chiffres de vente avant de l'apporter au Canada. C'est un peu nébuleux la manière que Volkswagen Canada a géré là, l'introduction de la e-Golf ici. Parce que aux États-Unis, les Américains aiment pas nécessairement les hatchbacks, puis les Américains aiment pas nécessairement les petites voitures, puis les Américains sont pas nécessairement hyper friand de la voiture électrique, oui, dans certains États, mais pas nécessairement partout. Là, t'amenais une petite voiture hatchback électrique. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça a l'air, les ventes aux États-Unis, mais je pense que l'introduire au Canada, les ventes vont être meilleures ici parce que les gens sont plus intéressés. Même que si vous en voulez une présentement au Québec, bonne chance, les modèles 2017 sont tout vendus. Vous êtes plus capable d'en avoir, faut attendre, faut vous mettre sur la liste pour avoir une 2018. Donc, c'est ça. Mais la E-Golf, c'est vraiment comme la voiture, à part peut-être la Ford Focus, c'est la voiture électrique qui passe le plus inaperçu parce que c'est une Golf. Puis sur la route, elle est verte, par exemple? La mienne est vert forêt. C'est quand même un beau vert. C'est quand même un vert qui est pas frappant. Si c'était vert lime, ça serait vraiment comme dans ta face. Mais là, c'est un vert forêt, vert vraiment foncé avec un intérieur beige. C'est quand même joli. Je suis pas un fan de vert forêt, là. J'étais un fan de vert forêt dans les années 80. Mais ça reste que pour une voiture, c'est pas dérangeant, c'est pas flashant, là. C'est pas la couleur qui va attirer les regards nécessairement. Mais c'est ça, mais ça passe inaperçu parce que c'est une Golf, puis ça a l'air d'une Golf, puis si on regarde pas nécessairement le petit logo dessus qui est écrit Volkswagen e-Golf, tu sais, on sait pas nécessairement que c'est une voiture électrique. Là, je vais vous parler vague un peu rapidement là, des performances de la Golf. Moi, quand je l'ai ramassé, on me donnait une autonomie possible de 249 km. J'ai fait 57 km, puis quand je suis arrivé chez moi, il me restait encore 195 km d'autonomie. Donc, c'est une voiture... Donc, t'étais pas mal dedans. Là. J'étais pas mal dedans. Volkswagen donne une autonomie de 201 km. Je pense qu'ils sont un peu conservateurs. La voiture est capable de faire un peu plus que ça, dépendant des conditions. Il y a plusieurs modes de conduite, le mode normal, le mode éco, le mode éco plus. En mode éco plus, c'est vraiment comme presque euthanasier la bête. Là. C'est vraiment tranquille. C'est vraiment pas une voiture qui est... vivante, mettons, dans ce mode-là. Fait que c'est une voiture dont... C'est ça, il y a plusieurs modes, puis le mode Eco Plus, c'est vraiment tranquille. La voiture perd sa vivacité. Mais... Moi, j'ai eu l'occasion de conduire la e-Golf quand j'ai fait l'Eco-Run, l'Eco-Randonnée de la Jacques. J'ai eu l'occasion de faire une petite portion à son volant. Ce que j'ai beaucoup aimé, cependant, c'est justement le fait que on n'était pas dans la science-fiction avec la e-Golf. Là. Non. On conduit une vraie Golf qui a l'air d'une vraie Golf. Exact. Et elle se conduit comme une vraie Golf quand elle met pas en mode éco. Là. Mais encore là, j'aurais aimé avoir un mode sport. Je le sais que ça tue l'autonomie, mais c'est une Golf. J'aurais aimé ça qu'on y mette un mode sport où on vraiment te laisse la déchaîner. T'sais, parce qu'on s'entend, une voiture électrique, ça a du couple à pu finir. C'est pour les accélérations, c'est intéressant. On ressent pas nécessairement ça dans cette Golf-là, mais pour le reste, oui, ça se conduit comme une Golf. Ça a le même espace cargo qu'une Golf. La chose qui me tape, par exemple, dans la Golf que j'ai, je sais pas si toutes les Golf 2017 sont comme ça. J'ai pas essayé la GTI ou les Golf normales 2017 à date. Il n'y a pas de bouton. C'est tout tactile à grandeur. Dans la Golf, il me semble que tu en as des boutons. Il n'y a pas de bouton, c'est tactile. Puis si tu veux monter le volume, ben tu as soit le bouton sur le volant ou soit le bouton tactile sur la radio. Si tu appuies plus ou moins sur le bouton de la radio directement, tu as un petit indicateur à l'écran, une barre qui monte et qui descend, qui te dit que tu montes ou tu descends ton volume. Si tu prends celui du volant, c'est pas affiché. L'affichage change pas. T'as pas d'idée à quel niveau t'es rendu ou... Non, c'est vrai, t'as raison. Attends, je corrige. Effectivement, c'est un écran tactile aussi dans les versions GTI, entre autres. Ouais. Et dans les Way, t'as raison. Fait que j'aime un peu moins. J'aimais beaucoup le bouton physique. Mais bon, ça, pour le reste, il y a des modes d'affichage de votre autonomie, votre économie d'électricité, la récupération et tout ça. C'est vraiment merveilleux. Je vais arrêter d'en parler pour cette semaine. On va en reparler la semaine prochaine. Je vais avoir fait vraiment mon essai plus prolongé. Puis je vous dirai vraiment là, qu'est-ce que j'en ai pensé dans l'émission. Moi, j'ai bien essayé de te tasser dans l'auto pour la conduire moi-même. Mais cette semaine, mais non. Ça n'a pas marché. La personne en charge te dit « Hey, Bouchard ». Désormais, on s'en occupe. Ça, t'en plein ça. Donc, Marc, on va faire une petite pause. On va revenir avec Martin Delavec qui va venir nous parler de voitures électriques. Puis, pendant ce temps-là, toi, tu vas prendre une petite pause. Puis ensuite, on va revenir pour terminer l'émission avec un bloc nouvelle. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure d'aller rejoindre notre spécialiste en voitures électriques, Monsieur Martin Archambault Delavec. Salut, Martin. Salut, Luc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Super. Martin, t'as quelques nouvelles pour nous cette semaine. On va commencer par une espèce d'anniversaire si on peut appeler ça comme ça, pour le circuit électrique qui atteint un certain nombre de bornes assez intéressantes, ma foi. Ben oui, c'est la 1000e borne, hein, 1000 bornes, ça nous rappelle un jeu de notre enfance. Oui, un certain jeu. Donc, le circuit électrique a atteint le chiffre magique de 1000 bornes installées. Là. Là-dessus, il y a plus de 90 bornes de recharge rapide. Je pense qu'on est rendu à 92 en date d'aujourd'hui, puis le reste, ben, c'est des bornes de niveau 2 essentiellement. C'est un anniversaire, ben, en fait, c'est un chiffre, c'est un beau chiffre, là, c'est un chiffre rond, mais en même temps, c'est un chiffre qui est significatif. On aura beau se plaindre puis dire qu'on aimerait mieux que le circuit électrique fonctionne de telle ou telle manière, forcé d'admettre qu'ils auront été une locomotive là, dans le déploiement des bornes de recharge, même si c'est pas toujours à notre vitesse, même si c'est pas toujours là où on voudrait qu'elle s'installe ou dans la quantité qu'on voudrait qu'elle s'installe, il faut quand même reconnaître là, qu'il y a eu plus de 1000 bornes d'installées depuis l'inauguration du circuit électrique, qui date que de quelques années, en fait. Et puis... moi, je dirais que ce qui caractérise probablement les installations de cette année, c'est le début de l'opération dédoublement des bornes rapides sur certains sites. Là, ça a commencé avec quelques sites pendant l'été, là, entre autres dernièrement, Davenport, Melbourne, Drummondville aussi, qui est un peu un centre névralgique. Là, mm-hmm. L'autoroute 20 passe par là, tu as 50, qui commence par là, qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient Montréal-Québec qui arrêtaient à Drummondville. Ben là, il y en a une deuxième installée. Donc, il faut les féliciter pour ça, je pense. Aussi, en profiter... pendant qu'on parle de bornes, pour parler que le réseau Flow installé aussi a inauguré cette semaine des bornes de recharge dans les centres d'achat Cadillac Fairview. Oui. Donc, c'est plusieurs bornes de recharge rapide aussi qui viennent de pousser là, dans les stationnements des centres d'achat. Donc, ça fait, en dedans d'un mois et demi, deux mois, là, plusieurs bornes rapides qui se sont ajoutées sur le territoire. Et pour une fois, il y en a à Montréal. Ça s'installait presque toujours ailleurs qu'à Montréal. Ben là, avec les bornes Flow, ça en fait à Montréal à tout de moins. Fait que je pense que les électromobilistes pourront se réjouir. Ouais, les bornes qui sont un petit peu plus dispendieuses, par exemple, hein? Les bornes en fait, circuit électrique à la minute, là, je veux dire, les bornes rapides sont un petit peu plus chères à la minute, selon ce que j'ai vu. Ah, tu parles de, là, on parle de celle de Flow. De Flow, hein, c'est ça. Oui, exact. Ben, en fait, c'est que le modèle d'affaires du circuit électrique, c'est un modèle d'affaires où c'est des tarifs là, qui sont imposés par le circuit électrique, donc c'est constant. Dans le modèle d'affaires de Flow, ben, c'est l'exploitant qui décide de la tarification. Donc, en fait, moi, je pourrais me faire installer une borne de recharge rapide chez nous puis la mettre gratuite, comme je pourrais charger 35$ si je veux. Tu sais, c'est vraiment, c'est l'exploitant. Ouais. À date, la totalité des exploitants, c'était pas mal attaché au prix qu'on est habitué de voir, c'est-à-dire 10$ de l'heure facturée à la minute. D'ailleurs, les bornes Flow qui avaient été installées chez Arnois avaient été facturées à 15$ de l'heure. Il y avait eu un tollé, puis Arnois avait reculé puis avait décidé de remettre la tarification à 10$. La veille qu'on s'était déplacé pour aller les féliciter, les remercier, on avait fait un espèce d'événement dans leur stationnement où on était allé acheter du stock dans le dépanneur en leur disant, ben, en gardant une tarification plus normale et normalisée, vous vous assurez d'avoir des gens qui vont aller chez vous, puis on vous remercie. Là, dans le cas des Cadillac Fairview, semblerait qu'eux aussi ont décidé d'y aller avec le 15$. Je ne sais pas s'il va y avoir le même genre de résistance, puis si ça va rester comme ça, mais pour l'instant, semblerait que ça va être facturé 15$ l'heure, évidemment facturé à la minute. Là, donc, ça, c'est quand même une augmentation de 50% par rapport au prix qu'on est habitué de payer. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas, il me semble qu'un centre d'achat, c'est l'endroit parfait pour te charger sur une borne niveau 2. Au lieu d'une borne ultra rapide, parce que bon, t'es là, t'as le temps, même si tu gaspilles 1h30, 2h à magasiner, la plupart des voitures vont être quasiment pleines ou être au moins passé la moitié après 1-2 heures de recharge. Là. Fait que je dirais, c'est pas nécessairement la place où moi j'irais me servir d'une borne rapide plus une borne niveau 2 normale. Ouais, à moins de faire un arrêt juste pour te charger, tu restes à côté de l'auto. Là. Ouais, puis t'es pressé. Effectivement, là. Ouais. Pour aller magasiner, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, en fait, bon. C'est à l'expérience. Pour l'instant, moi, je préfère en tout cas focusser mon énergie sur le fait que ça augmente la quantité de bornes, puis c'est bénéfique pour tout le monde. Là. Je pense que ça vise aussi là, à faire en sorte qu'on puisse affirmer qu'il y a un nombre assez grand de bornes pour être capable de se recharger, puis que les gens n'aient pas peur de faire le saut vers les véhicules électriques, pensant pas être capable d'arrêter pour se charger. Ouais, c'est ça. Ça aide. En mettant plus de bornes dans la nature, ça va rassurer certaines personnes. Yes. Super. OK. Comme deuxième sujet, tu veux nous parler aussi de Toshiba qui est en train de développer une technologie nouvelle pour les batteries. Oui, en effet. Ben, en fait, le nerf de la guerre dans les véhicules électriques, on le sait, c'est les batteries. Puis dans les batteries, je te dirais l'élément là, que tout le monde, sur lequel tout le monde travaille, c'est la densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on peut mettre par volume de batterie, là, par unité de volume de batterie. Donc, avoir des batteries le plus petites possible, mais qui accumulent le plus d'énergie possible. Mm-hmm. Puis l'autre facteur, c'est la vitesse à laquelle on est capable de les charger. Parce que ça a bien beau être gros, mais si ça prend 4 jours la charger, c'est pas pratique non plus. Non. Donc, on tente de faire des batteries pas grosses, mais qui ont beaucoup de capacité énergétique. Donc, on peut mettre beaucoup de kilowattheures d'énergie dedans, puis qu'on peut charger très vite. Ben, t'as Toshiba là, qui annonçait avoir mis au point une batterie qui fonctionnerait à l'oxyde de titane de niobium. Je ne suis pas un expert chimique, mais chimiste, mais ouais. c'est un nom qu'on ne voit pas souvent passer. Non, pas même. Donc, nouvelle chimie de batterie. Puis c'est que ça permettrait d'avoir l'équivalent d'à peu près 320 km d'autonomie par 6 minutes de charge. Pour donner une idée, là, ça c'est au moins 3 fois plus vite que ce que peut prendre une batterie lithium-ion actuelle, même plus. Là. Ouais, ça commence à être intéressant à ce point-là parce que tu n'arrêtes pas longtemps à un point de recharge pour repartir. Exactement, parce que si tu mets 320 km en 6 minutes, ça veut dire que tu mets quand même une centaine de kilomètres en 2 minutes ou à peu près. Là. Fait que il t'en manque un peu pour te rendre où tu veux aller, ben tu arrêtes 2 minutes. Puis tu viens déjà de te mettre 100 km, c'est assez exceptionnel. Ouais, on parle de l'équivalent de mettre de l'essence, de remplir d'essence une auto. Là. Ouais, ouais, on sera plus. En tout cas, ça ne sera plus un aussi grand débat le temps de recharge si on commercialise. Maintenant, c'est pas les premiers qui inventent des batteries qui ont des particularités extraordinaires. L'élément après ça, ben, c'est d'être capable de commercialiser en volume à un prix qui est acceptable du point de vue commercial. Donc, le reste à voir s'ils vont atteindre cette étape-là, en faire 2-3 exemplaires en laboratoire puis prouver que ça marche, c'est une affaire, mais en produire 200 000 copies pour être capable d'utiliser dans un modèle X et Y de voiture, c'en est une autre. Mais quand même, de voir que les recherches continuent puis qu'on réussit quand même tant mieux que mal à arriver avec des technologies assez performantes, ça ne peut être qu'encourageant pour les modèles de véhicules qui vont venir dans le futur. Ouais, juste bon pour le futur. Puis c'est drôle, quand tu parles de modèle X et Y, je pense tout de suite à Tesla. Il y a un modèle X, mais le modèle Y va sûrement venir à un moment donné. Ouais, c'est bien sûr. C'est pas supposé être le VUS basé sur la plateforme de la modèle 3, ça, le Y, je pense. Ça se peut. Ben, tout le monde disait qu'un coup que Tesla aurait ses deux berlines, la berline grand format, la berline petit format, le VUS grand format puis le VUS petit format, les modèles s'appelleraient sexy. Ils n'ont pas pu avoir le E, il a fallu changer pour un 3, ouais, mais c'est ça. OK, puis si on y va avec une autre nouvelle, Ford développe un peu son... essaie de développer sa flotte de voitures électriques. Oui, en fait, il y a eu des annonces qui ont été faites dernièrement. Puis c'est le PDG, là, le nouveau PDG de Ford, Jim Hackett, qui a parlé de son plan d'investissement pour les véhicules électriques. Entre autres, en annonçant qu'il avait l'intention de consacrer le tiers de l'investissement prévu par la compagnie pour les moteurs à combustion interne, là, qui va être transféré vers les voitures électriques. Donc, en fait, il prend son budget, puis il en enlève 33%, puis il redirige ça vers la recherche et développement pour la mise en place de voitures électriques. Il a créé une équipe à l'interne qui s'appelle Team Edison. On est toujours dans les noms de physiciens là, avec Tesla et compagnie, mais là, on est rendu à Edison. Mm-hmm. Donc, c'est 4,5 milliards de dollars sur 5 ans que Team Edison va avoir à sa disposition pour travailler à la mise au point de modèles de véhicules et de technologies de façon à être capable là, d'occuper une partie ou de conserver une partie là, du marché, du créneau des voitures électriques. Ouais, ça, mais Ford qui a déjà annoncé qu'il allait électrifier beaucoup de sa flotte de voitures, dont la Mustang pour 2020, dont je pense un F-150 hybride et des choses comme ça, là, fait qu'ils s'en vont vers ça. La Focus qui était un peu marginale à un moment donné, qui est comme un peu comme la MIEV, là, c'était la voiture qui était comme en bas de ta liste. T'avais comme la Leaf, la Bolt, tu sais, puis après ça, tu disais, OK, la Focus, puis la MIEV en bas. Mais ils ont amélioré quand même la Focus, qui a une C'est pas la plus grande autonomie, mais c'est quand même décent. Là. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le futur. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont un petit peu comme en retard. Là. Eux qui étaient en avance à un moment donné parce qu'il y avait le C-Max, puis tout ça, le C-Max n'existe plus ou ça ne fera plus dans un avenir rapproché. Là, on parle peut-être d'un Escape hybride qui était ce que Ford avait avant d'amener le C-Max. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Et donc, c'est bon. Puis, dernier petit sujet, tu veux nous parler du prix de la voiture verte. Oui, c'est les finalistes pour le prix de la voiture verte de l'année 2018 qui ont été annoncés. Là, c'est le Green Car Journal qui a annoncé ces 5 finalistes. À toutes les années, évidemment, c'est un regroupement là, qui se concentre essentiellement sur les voitures vertes. Là. Mm-hmm. Les modèles 2018, les finalistes, ça comprend la Honda Accord. Il faut comprendre que ce n'est pas juste des voitures électriques. Hein, une voiture est considérée voiture verte, ça peut être une voiture à essence, mais qui a des caractéristiques éco-énergétiques considérées comme hors normes ou exceptionnelles. Comme exemple, à la Jacques, le titre de voiture verte de l'année est allé au Mazda CX-3 à un moment donné. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est pas obligé d'être une voiture électrique ou même hybride. C'est une voiture qui, pour sa taille, ne consomme pas beaucoup. Exactement. Donc, les finalistes 2018 sont la Honda Accord, la Honda Clarity, la Hyundai Ioniq, la Nissan Leaf et finalement la Toyota Camry. Okay. L'annonce du gagnant va être annoncée là, au Palais des Congrès de Los Angeles le 30 novembre prochain. S'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, c'est à partir là, du 30, c'est 20h du Pacifique, par contre, là, que ça va être dévoilé. 23h ici, à peu près. Ouais. On pourra en reparler à ce moment-là pour nommer qui seront les gagnants. Je dois dire d'entrée de jeu que je suis particulièrement content de voir que la Hyundai Ioniq fait partie de ce marché-là, non pas parce que c'est une voiture électrique, mais beaucoup plus pour la même logique, dans le fond, que des voitures à essence hyper éco-énergétiques. La Hyundai Ioniq, en ce qui me concerne, se démarque par sa très grande efficacité, donc le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir pour un certain nombre de kilowattheures, là, mm-hmm. c'est bien au-delà de la quasi-totalité, je devrais dire, des voitures électriques actuellement sur le marché. Donc, ne serait-ce que pour ça, faire plus avec moins, je pense que ça vaut la peine qu'ils soient en nomination. Oui, côté design aussi, côté confort de roulement, côté confort dans la cabine, comme étant assis puis rouler longtemps, la Ioniq gagne des points là aussi. Là. C'est une voiture très, très bien ficelée. Tout à fait. Super, Martin. Donc, merci beaucoup. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ils peuvent m'écrire sur mon courriel martin@aveq.ca ou visiter notre site web, là, le www.aveq.ca. Ouais, une bonne place pour avoir toutes les réponses à vos questions sur les voitures électriques. Ben, bonne semaine à vous autres. Merci Martin, à la prochaine. Bye. Bye. Alors nous, on fait une petite pause puis on revient tout de suite avec Marc et le bloc nouvelles. Donc, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure des nouvelles. Qu'as-tu pour nous cette semaine d'intéressant dans l'univers de l'automobile? Ben, en fait, je pense qu'il faut parler un peu du salon de Tokyo parce que c'est ce qui s'en vient. C'est la prochaine grande étape de l'échelle des salons. Un salon qui, évidemment, tu auras compris, qui est essentiellement réservé aux constructeurs japonais. Mm-hmm. C'est eux qui en profitent. C'est pas un grand salon. Étrangement, on a l'impression que le salon de Tokyo est un salon qui est énorme et qu'il y a toutes sortes d'affaires. Il y a vraiment toutes sortes d'affaires, mais du point de vue automobile, c'est particulier comme approche. Okay. Moi, je suis allé à quelques reprises. Ce salon-là a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont des outils, des composantes, des trucs comme ça. Il y a même des camions commerciaux, des autobus scolaires. Donc, tout est vraiment présent. Tout ce qui a 4 roues, en fait, ou même 2x2, et qui fonctionne à l'essence ou à l'électricité, se retrouve là-bas. Okay. Donc, évidemment, ça crée un salon où ce qu'on nous présente essentiellement, ce ne sont pas nécessairement des véhicules de production, mais bien des véhicules concept qu'on espère un jour voir en production. OK. Ouais. Alors, évidemment, on anticipe que ce sera intéressant à plein de points de vue parce qu'il y a évidemment des concepts assez fous qui vont y être présentés, mais on verra ce que ça va donner. T'sais, par exemple, on sait déjà que chez Mazda, on va présenter deux concepts là-bas. OK. Évidemment, on ne donne pas beaucoup de détails, tu auras compris, mais on sait entre autres que ça va être avec le nouveau moteur, le fameux SkyActiv X, qui est le nouveau moteur qui est une espèce de moteur diesel à essence. Okay. C'est-à-dire que c'est un moteur qui qui fonctionnent de façon différente et qui utilisent la compression notamment pour se démarrer puis fonctionner plutôt que des bougies traditionnelles. Donc, ça ressemble plus à la technologie diesel. OK. Il y a quand même deux véhicules qui vont être présentés là-bas. Une espèce de VUS petit format doté du SkyActiv X qui serait probablement le nouveau Mazda. En tout cas, on ne sait pas trop là. On ne sait pas trop ce qu'il va, il va être. Il va avoir le CX-8, mais on ne sait pas trop ce que celle-là va avoir là. Et l'autre, il y aura une voiture sportive. Une autre vision de design sport que Mazda devrait présenter à Tokyo. Encore une fois, on ne sait pas trop si ce sera ou pas la nouvelle RX-8, RX-9, appelle-la comme tu voudras, mais la nouvelle voiture avec moteur rotatif, bien que Mazda ait confirmé qu'il travaillait actuellement sur un nouveau moteur rotatif. Ouais. Donc, C'est vraiment comme passionnel ce projet-là, parce qu'un moteur rotatif, c'est pas ça s'applique pas à grand chose, là, mais dans une voiture sport, sport, peut-être avec électrification, quelque chose comme ben ça pourrait être c'est efficace. l'idée là. Ouais. C'est ce qu'ils veulent faire là. Ouais. Ils veulent vraiment faire un moteur rotatif avec une portion électrique, donc ce sera à ce moment-là la meilleure solution. Ouais. Il y a aussi d'autres compagnies, bien entendu, qui ont déjà annoncé leurs intentions. C'est le cas chez Subaru, par exemple, qui aura trois prototypes présentés là-bas. Le fameux Visiv qu'on a vu et revu et re-revu. Mais là, il progresse encore. On dit que c'est le Visiv Performance Concept qui va présenter, dit-on, le futur de la marque en matière de technologie et de design. Ouais. Il me semble que c'est un discours qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. Ben, c'est parce qu'on avait un beau design pour l'Impreza, puis on a comme retourné à quelque chose d'un peu plus classique. Ouais, c'est ce qui se passe avec Subaru, malheureusement, la C'est plupart un du temps, peu, là. ouais, c'est un peu difficile d'y croire. Exactement, mais Ouais. bon. Il y aura aussi l'Impreza Future Sport. On dit que ça pourrait être la nouvelle STI. Ça ressemble à l'actuelle Impreza 5 portes, mais avec un peu plus de oomph, tuyau d'échappement central à l'arrière, bref, quelque chose d'un peu plus agressif. Ça pourrait être la nouvelle WRX STI, mais on va voir ce que ça va donner. OK. Et enfin, il y aura le XV Fun Adventure Concept. Oh mon Dieu. Quand t'as fun dans le nom, tu peux pas te tromper. Ah, c'est ça, je me dis, moi aussi, écoute, le fun qu'on a avec ça. Hey. En fait, c'est juste un cross-trek un peu pimpé pour être capable d'avoir une allure un peu plus tout-terrain. Donc, on a modifié un peu les bas de caisse en plastique et tout. Écoute, là, ce que je vais te dire, c'est pas fin, là, mais dis-toi que Subaru n'envoie même pas son équipe de relations publiques canadiennes au salon de Tokyo. OK. Fait que ça veut dire que généralement, on n'est pas exactement dans le dévoilement d'un produit d'une grande importance. On va plutôt le faire à Los Angeles au cours des prochaines semaines. Ouais, qui est un plus gros salon pour l'Amérique du Nord, en tout cas, là, mais Oui, c'est OK. ça, là. C'est Puis bon. à Los Angeles, ben j'y serai. Fait que on fera à ce moment-là, on en parlera davantage. C'est ça. Il y a aussi Toyota qui a présenté un peu avant Tokyo, mais quand même dans le cadre du salon de Tokyo, le GR-HV Sport Concept. OK. Qu'est-ce que c'est le GR-HV Sport Concept? C'est une espèce d'auto-sport hybride. En tout cas, on anticipe qu'elle sera hybride. Elle ressemble un peu à la BRZ en un peu plus gros. OK. Non, à la Toyota 86, je m'excuse. Je Ouais. parle de Toyota quand même. Ouais. Moteur Targa. Pas moteur Targa, mais toit Targa. OK. Tu sais, les fameux T-top, là. Bon, ben, c'est ce qui va y être. On n'en sait pas vraiment plus pour le moment. On sait que c'est une boîte automatique. On sait que c'est un véhicule qui va être hybride. Donc, comme je te dis, on n'en a pas plus de détails. Elle est belle. J'avoue que les photos qu'on a dévoilées sont plutôt jolies. Elle me fait penser à une espèce de mélange entre une Mazda RX-5, RF. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de mélanges là-dedans. C'est joli, on verra ce que ça va donner pour le moment. Si elle va venir même chez nous, il n'y a rien qui le dit. Pour le moment, ça demeure un concept et c'est toujours conceptuel. Tu sais ce que ça veut dire. Bon, c'est voué à. C'est, mais est-ce que c'est voué à La supposément production. remplacer quelque chose? Ou Non, c'est c'est. un nouveau modèle. OK. C'est pas ce qui serait la Supra, parce qu'on sait que la Supra, Toyota travaille dessus, mais c'est vraiment un autre modèle. Ce serait peut-être entre les deux, peut-être entre une Supra puis une 86. Ouais. Quelque chose comme Exactement. ça. OK. Fait que quelque chose comme ça. C'est bon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie et c'est Bon, comme ça que ça c'est marche. juste des concepts. Je veux dire, les compagnies sortent des choses, voire pour voir l'intérêt des gens. Puis après ça, ben on décide, si l'intérêt semble assez important, ben là, on décide si on va en production ou pas. Ou si on fait un deuxième modèle un peu moins conceptuel, puis un peu plus terre à terre. C'est ça. OK. Changement de dimension, je te dirais. On s'en va du côté de Land Rover. OK. Land Rover qui a annoncé la venue du Range Rover Sport 2018. OK. Qui arrive avec toutes sortes de nouvelles affaires, là. Un nouveau système multimédia, bon, des trucs comme ça, et même la reconnaissance gestuelle. Et ça, c'est le fun, hein? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer ça, là. Pas encore. La reconnaissance gestuelle, moi, je l'ai essayé sur les modèles de BMW, j'ai eu l'air d'un parfait imbécile, parce que tu bouges devant ton tableau de bord, et il y a une caméra qui détecte tes mouvements et qui fait certaines fonctions. OK. Alors, dans le cas de BMW, quand tu roules le doigt, tu augmentes le volume, dans un sens, dans l'autre, tu diminues. Mm-hmm. Quand tu pointes du doigt, ben, ça change de poste. Bref, il y a des trucs comme ça. Dans le cas du Land Rover Sport, on dit que ça va permettre, entre autres, d'ouvrir ou de fermer le toit ouvrant avec la reconnaissance gestuelle. Okay. Et de faire d'autres activités de cette nature-là. J'ai bien hâte de me voir faire des grands babayes à mon plafond pour qu'il s'ouvre. Mais en tout cas, ceci étant dit, c'est ce qui s'en vient. Okay. D'un autre côté, il y a un autre élément qui va être intéressant cependant du côté de Land Rover, c'est que le Range Rover Sport, je m'excuse, à partir de 2019, va être disponible en version hybride rechargeable. Ah, intéressant. Ça, c'est intéressant parce que rappelons que le Range Rover Sport, c'est quand même un véhicule qui consomme un petit 20 litres au 100 quand tu le pousses un peu. Juste ça. Juste ça. On parle quand même d'un véhicule, écoute, là, je te parle du plus gros, là, un V8 5 litres de 575 chevaux, tu auras compris que ça ne marche pas à l'eau. Là. Non, c'est clair. Alors, ceci étant dit, le Sport P400E, on dit qu'il va faire le 0-100 en 6,7 secondes, qui va être bon pour une autonomie électrique de 51 km et qui va pouvoir rouler jusqu'à 137 km/h sans intervention du moteur à essence. C'est quand même très bon pour un véhicule de cette nature-là. Surtout que, comme on l'a dit, moi, je pense que c'est ça la clé. C'est les VUS qui sont capables de fonctionner de façon efficace. Vraiment, là, peu importe. Là, c'est un gros véhicule qu'on veut économique, c'est pas un petit véhicule. T'sais. En tout cas, moi, là, une petite sous-compacte, on est capable d'en avoir qui font 4 litres au 100. J'aime bien mieux avoir un gros VUS qui tombe à 10 litres au 100. Ça, c'est de la vraie économie, ouais, à mon avis. Tu gagneras pas grand-chose à électrifier, je sais pas moi, un Yaris. Non, plutôt c'est ça, que d'électrifier un Highlander ou d'électrifier un Range Rover Sport ou Evoque ou peu importe. C'est clair que c'est gagnant. Puis on s'entend que Range Rover puis Jaguar vont capitaliser sur le fait qu'ils développent présentement des technologies d'électrification. Là. Fait que dans les prochaines années, il va en avoir à tonne des produits électrifiés chez Jaguar Land Rover. Ça va apparaître assez rapidement. T'as tout compris, mon petit. Ah, c'est tout. C'est rare que tu comprennes, mais là, t'as compris du premier coup, c'est le fun. Des fois, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Là, dans ce cas-là, c'est compris ça, fait trop. Ouais, ça fait 70 émissions que j'essaie de t'expliquer, mais en tout cas. Ah, yeah. Ça va. À un moment donné, ça va rentrer. Et une dernière petite nouvelle là, que je trouve intéressante, le groupement des assureurs automobiles du Canada, qui vient de publier un rapport montrant que les jeunes, notamment les jeunes hommes, se désintéressent considérablement de la voiture. C'est dommage. Hein? Oui, c'est dommage, mais en même temps, c'est compréhensible parce que de plus en plus, cette clientèle-là s'en va dans des zones urbaines. Ouais. Donc, beaucoup plus de transports en commun et beaucoup plus de différents éléments. Chez les hommes de 16 à 20 ans, on a noté 20 % moins de véhicules assurés entre 2011 et 2016. Et pour les 21 à 24 ans, c'est 10 % de moins. Okay. Ce qui est quand même important. Ça, c'est chez les hommes. Chez les femmes, même chose, on compte 15 % de moins de voitures chez les femmes de 16 à 20 ans. En revanche, les femmes 21 à 24 ans, augmentation de 7 % Okay. Ce qui est quand même intéressant. Mm-hmm. Autre détail. Les vieux, non, c'est pas vrai, parce que je ne suis pas rendu là encore, ni toi, mais les conducteurs plus âgés sont de plus en plus intéressés à l'automobile. Okay. On dit que chez les 65 ans et plus, le nombre de véhicules assurés a grimpé de 28 % chez les hommes et de 37 % chez les femmes. Ouais, les gens veulent avoir leur autonomie, ils veulent pouvoir aller où ils veulent. Exactement. Ouais. Et bon, évidemment, on est dans une période de vieillissement de la population, donc c'est normal que la masse, le nombre de conducteurs soit plus élevé dans une certaine catégorie d'âge. Donc, c'est la preuve qu'ils s'en vont là. N'empêche que c'est un signe intéressant de voir que les gens de 65 ans et plus sont effectivement beaucoup plus autonomes qu'ils ne l'étaient et qu'ils sont capables de fonctionner. Alors, je pense que c'est une excellente chose. Dommage pour les jeunes. En même temps, je pense que les nouvelles technologies, les voitures autonomes, c'est pour eux qu'on les a développées. C'est donc dans cet esprit-là qu'ils vont peut-être pouvoir avoir un nouvel intérêt, mais je ne pense pas, là, je ne m'attends pas de grand développement dans ce monde-là. Non, l'univers de l'automobile va changer drastiquement d'ici les prochains 10 à 15 ans avec les voitures autonomes, avec probablement des parcs de taxis complètement autonomes. Les jeunes vont se déplacer plus comme ça que de s'acheter une voiture. Peut-être l'autopartage, des choses comme ça, là. C'est peut-être Ouais. Mais plus. c'est sûr que l'autopartage, on est pas mal plus là-dedans. Ouais. C'est effectivement. Déjà en Californie, il y a beaucoup de taxis. On en a un petit peu ici, mais moins. Il y a beaucoup de taxis en partage. OK. Donc, tu appelles un taxi, tu dis, moi, je suis au coin de telle place et telle place, et je m'en vais à tel endroit. Et le long de ce parcours-là, le chauffeur va récupérer d'autres passagers. Vous allez partager le taxi sur une période. Ouais, et vous partagez le coût de la course sur une période aussi. Évidemment, ça vous permet de partager le coût de la course. Alors ça, c'est intéressant et je pense que c'est plus vers ça qu'on va tendre du côté des jeunes, mon cher. Bon, ben super, Marc, on va terminer là-dessus pour cette semaine. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben écoute, sur mon blog marcbouchard.ca, il y a tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux. En revanche, vous pouvez tout simplement m'écrire sur ma page Facebook, ce qui me fait plaisir. Mon compte Instagram, Bouchard souligné Marc, ou à l'inverse sur mon Twitter, Marc souligné Bouchard, ainsi que sur notre adresse courriel commune, info@saroulradio.com, où Luc et moi recevons vos commentaires et j'ai bien envie de les lire, donc ne vous gênez pas pour nous en envoyer tant que vous voulez. Toi, mon cher, on te rejoint comment? Sur Twitter, @Scalazormo. Je gère aussi le compte Ça roule radio sur Twitter pour l'émission. On a la page Facebook, Ça roule radio. Là aussi, vous pouvez venir nous écrire, soit publiquement ou en privé si ça vous intéresse. Vous pouvez nous écouter aussi à travers vos téléphones intelligents ou tablettes, à travers iTunes si vous avez un produit Apple et Google Play si vous avez un produit Android. Ce qui fera au moins une chose d'intelligente dans cette émission-là. Ben, c'est au moins ça. Et puis, quoi que nous écouter à partir d'un téléphone intelligent nous rend-il intelligent? Non. C'est ça. Aussi, on est sur trois radios web. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous écouter sur Radio H2O, sur sportradio.ca et sur Radio Média Plus, où nous sommes disponibles depuis maintenant quelques semaines. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de ça. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi, mon cher souffre-douleur. Et puis, ben, on se reparle à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye, bonne semaine.